La mer est calme, il fait encore nuit et l'air est tiède. Le luxueux yacht navigue à petite allure. Soudain, on bouge sur le pont, tout près du bastingage. Et brusquement, le corps nu d'un homme corpulent bascule dans le vide. Lorsqu'il touche la surface de l'eau, le bruit paraît énorme. Mais là-haut, sur la passerelle, l'homme de bar n'a rien entendu et le yacht poursuit tranquillement sa route. L'homme nu ne sera retrouvé que 15 heures plus tard, à plusieurs milles du yacht, mort, bien évidemment. Jamais encore M. X ne m'avait parlé d'une histoire aussi brûlante. Brûlante parce que récente, très récente. Maxwell, qu'on appelait aussi familièrement Captain Bob, est mort il y a 6 ans dans la nuit du 4 au 5 novembre 1991. Suicide, accident cardiaque, assassinat. On ne sait toujours pas pourquoi ni comment Captain Bob est tombé cette nuit-là dans l'océan Atlantique au large des îles Canaries. Robert Maxwell est né en 1923 sous le nom de Jan Ludwig Hock dans un pays invraisemblable, la Ruthénie. Pourquoi invraisemblable ? Parce que cette région nichée au cœur de l'Europe centrale n'a jamais cessé de changer de maître, tantôt ukrainienne, roumaine, hongroise, tchèque. Les parents du jeune Jan sont juifs et pauvres. Très vite, le futur Maxwell quitte ses forêts natales et pose son barda à Budapest. Les membres de sa famille qui resteront en Ruthénie seront presque tous exterminés dans les camps nazis. À Budapest, Jan fait des petits boulots. Bref, il se débrouille. Mais la guerre menace. Le jeune juif ruthène disparaît. La suite est aussi imprécise que rocambolesque. Au début de 1940, on le retrouve en France. Mentant sur son âge, il aurait combattu dans la Légion tchèque et aurait été blessé à Orléans. J'emploie le conditionnel à dessein, car Maxwell lui-même a brouillé les pistes et donné successivement plusieurs versions de son aventureuse jeunesse. En tout cas, après la défaite française, Maxwell se serait embarqué sur un bateau égyptien. Première certitude. En 1941, il s'est engagé dans l'armée britannique. Il se fait alors appeler Leslie Dumouriez, son premier nom d'emprunt. Mais il y en aura d'autres. Assez vite, on remarque ce jeune et séduisant costaud qui parle couramment 9 langues, dont l'allemand. Quand est-il amené à collaborer avec les services spéciaux de l'armée ? Encore un mystère. Quoi qu'il en soit, en 1944, il débarque en France avec les troupes alliées. C'est à Paris, en septembre, qu'il rencontre une ravissante interprète française, Elisabeth. Coup de foudre, réciproque, la jolie Betty deviendra sa femme. Elle lui donnera 7 enfants. Pendant l'hiver 44-45, le sous-lieutenant Leslie Jones, c'est son nouveau nom, combat en Allemagne. Il se bat avec courage, avec rage, disent même ses compagnons. Ses exploits lui valent d'être décoré de la Military Cross par le maréchal Montgomery en personne. Été 45, le capitaine Maxwell, c'est le dernier nom qu'il s'est choisi, travaille en Allemagne pour la sécurité militaire britannique et participe à l'interrogatoire de dignitaires nazis. Mais il s'intéresse aussi beaucoup à la presse et à l'édition. C'est le début de sa fabuleuse carrière. Désormais, tout va aller très vite pour Maxwell. Dès le début des années 50, il est riche, très riche. Il crée une maison d'édition, Pergamon Press, qui va devenir le numéro 1 mondial de l'édition scientifique. Et tout en s'intéressant à la politique, il sera pendant 6 ans député travailliste, il achète des imprimeries, des journaux, d'autres maisons d'édition. Il sera, ne l'oublions pas, un des partenaires de Francis Bouygues lorsqu'il s'agira d'acheter TF1. Au fait de sa puissance, ses sociétés sont implantées dans 26 pays et emploient plus de 27 000 personnes. Maxwell est familier des grands de ce monde et il est aussi à l'aise à la Maison-Blanche qu'au Kremlin. Mais déjà, son empire vacille. On le soupçonne d'être à l'origine d'une gigantesque escroquerie et d'être aux abois. Son groupe serait endetté à hauteur de 20 milliards de francs. C'est alors qu'en novembre 1991, pour échapper À la meute de ses accusateurs, il se réfugie sur son yacht, le Lady Ghislaine, qui croise au large des Canaries. Mais, dans la nuit du 4 au 5, il passe mystérieusement par-dessus bord. Dans un instant, le récit de Monsieur X. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Chez Maxwell, tout était trop gros, à tous les sens du terme. C'était un type énorme. Oui, physiquement, en tout cas, je pense que vous n'avez pas tort. Oui, enfin, il est bien pesé 120 ou 130 kilos. Ouais. Oui, il mesurait quand même 1m90. Hein. C'était un gros, oui. Un gros gros. Bah, gros comme ses rires, comme ses colères, comme son appétit de pouvoir. Enfin, je veux dire que c'était un homme qui suscitait presque naturellement l'exagération. Ah, ça veut peut-être dire autre chose. Vous savez ce qu'on a dit de lui, surtout après sa disparition. Robert Maxwell était un espion. Ah. Mais attention, pas n'importe quel espion. Un espion multicarte. Comme un VRP, quoi. Oui, qui travaillait parallèlement avec les services britanniques, israéliens et soviétiques. Oui, j'allais dire, au fond, on ne prête qu'aux riches. Hein. Vous avez tout à fait raison. Et Maxwell était très riche. Enfin, il l'a été. Mais revenons à ces rumeurs. Comment peut-on sérieusement prétendre que c'était un espion? Le milliardaire Maxwell était trop voyant pour être raisonnablement un agent secret. Oh, attendez, quand même, on a quand même beaucoup parlé des relations privilégiées qu'il entretenait avec les dirigeants des pays d'Est, enfin, avant la chute du mur de Berlin, bien sûr. Oui, c'est juste. Et depuis très longtemps, Maxwell s'est même servi de sa maison d'édition, Pergamon, pour publier des biographies louangeuses des dictateurs de l'Est, Ceausescu, par exemple. Ce qu'on appelle des biographies autorisées. Très autorisées, même. Et puis on disait aussi qu'il était à tu et à toi avec Gorbatchev. Vous avouerez que si Maxwell avait été un espion du KGB, il se serait conduit de façon plus discrète, non? Or, Maxwell était un des hommes les plus surveillés du monde. Pourquoi? On guettait ses allées et venues, on comptabilisait ses contacts. Difficile dans ces conditions de jouer à l'agent secret, non. Non, je crois que la vérité était beaucoup plus simple. Alors dites. Captain Bob était un homme d'influence. Captain Bob, attends. Oui, c'était son surnom. Voilà, un type qui jouait les go-between entre l'Est et l'Ouest et qui, à l'occasion, transmettait des messages. Et qui, surtout, arrangeait les affaires des uns et des autres en permettant, en particulier à son ami Gorbatchev, de bénéficier de crédits occidentaux pour financer sa perestroïka. Oui, je veux bien l'admettre, mais on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, qu'en était-il de ses relations avec les Israéliens? Parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, non? Oui, bah écoutez, là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il semble bien que dans les années 80, Robert Maxwell se soit souvenu du petit Jan Hock, comme il s'appelait autrefois. C'est-à-dire ? Eh bien, il a renoué avec ses racines juives. Et curieusement, il est devenu très proche du Premier ministre Shamir. Mais pourquoi ce curieusement ? Parce qu'en principe, enfin je dis bien en principe, Maxwell était plutôt situé à gauche. Un milliardaire de gauche. Bien sûr, mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il a été député de gauche en Angleterre. Or, Yitzhak Shamir, en Israël, c'était l'expression de la droite dure. Alors, une explication ? Robert Maxwell, sans aucun doute, avait décidé de se mettre au service d'Israël. Et peu lui importait que le Premier ministre soit de droite ou de gauche. Vous avez des preuves, là pour... Oui. Ouais. D'abord celle-ci. Il est certain que Captain Bob a été impliqué dans une mystérieuse affaire où le Mossad, le service de renseignement israélien, a été impliqué. Et je vous écoute. Il s'agit de l'affaire Vanunu, Mordecai Vanunu, un expert nucléaire israélien du fameux centre atomique ultra-secret de Dimona. Ce scientifique, pour protester contre la politique d'armement nucléaire de son pays, avait quitté Israël et s'était réfugié en Angleterre. Là, Vanunu avait fait des révélations fracassantes sur la bombe israélienne à un journal britannique. Je me souviens. Ouais. En fait, et c'est, enfin, ça c'est une parenthèse, ces révélations n'étaient pas aussi fracassantes que cela, puisque l'existence de l'arsenal nucléaire israélien était depuis longtemps un secret de polichinelle. Ça aussi, je me souviens. Ouais. N'empêche, ce Vanunu était devenu un objectif pour le Mossad. Attendez, un objectif. Les Israéliens voulaient le faire taire, quoi, l'assassiner. Le faire taire, oui, l'assassiner, non. Il voulait l'enlever et le ramener de force en Israël pour le juger. Une opération assez couramment pratiquée par le Mossad, souvenez-vous, ouais. Deschman. Mmh. Enfin, pour l'enlever, il fallait d'abord découvrir l'endroit où il se cachait. Et c'est là qu'intervient Maxwell. Et pourquoi ? Il savait, lui, où se trouvait ce Vanunu ? Non, non, mais il a chargé un de ses journalistes de le faire, un nommé Nicolas Davis, qui était rédacteur en chef d'un de ses journaux, le Daily Mirror. Rédacteur en chef. Il y a une raison à ce choix ? Oui, Davis, depuis longtemps, fricotait avec le Mossad. Bon. Et ça a marché, tout ça ? Tout à fait. Vanunu a été localisé, logé, comme disent les flics, et le Mossad l'a enlevé. Et je suis à peu près sûr que son évacuation a bénéficié du soutien logistique de l'Empire Maxwell. C'est-à-dire de son empire de presse, surtout. Des moyens personnels dont Maxwell disposait à Londres. Jets privés, hélicoptères qui décollaient directement du toit de son bureau. Ça facilite les choses. Oui, mais tout ça, écoutez, ce ne sont que des supputations. Bon, je l'admets. Mais voulez-vous une autre preuve des liens très étroits qui existaient entre les Israéliens et Captain Bob ? Ah oui, allez-y. Eh bien, il s'agit de ses relations avec un certain Harry Ben Menach, un agent du Mossad. Il est certain que Ben Menach, très longtemps, a été un familier de Maxwell. Il avait porte ouverte dans ses bureaux londoniens. Et que faisaient ces deux hommes ensemble ? Je vais y venir, mais je peux tout de suite vous dire que si Maxwell n'avait jamais rencontré ce Ben Menach, il serait peut-être encore en vie. Explode in the sky. La dernière affirmation de M. X laisserait entendre que c'est sans doute du côté d'Israël qu'il faut chercher les éventuels assassins de Maxwell. Mais attention, je vous promets que le récit de mon interlocuteur ménagera encore beaucoup de surprises. Pour ma part, j'ai noté que c'est en Israël que Maxwell a été enterré et qu'il a eu droit à des obsèques quasiment nationales. D'ailleurs, le président d'Israël, Chaim Herzog, était présent. Et d'une façon solennelle, mais sans donner de précision, il a fait état des grands services que Robert Maxwell avait rendus à la sécurité d'Israël. Quel service ? Mystère. D'autre part, il faut souligner que quelques jours seulement avant la mort de Maxwell, un journaliste américain, Seymour Hersh, publie un livre, « L'option Samson », dans lequel le magnat de la presse est violemment pris à partie. Cet ouvrage, essentiellement consacré au secret nucléaire israélien, met en cause Maxwell dans l'affaire de l'enlèvement de l'expert Vanunu, dont M. X vient de parler. Mais son auteur soutient aussi que Captain Bob a été compromis dans l'affaire de l'Iron Gate, l'affaire de ses livraisons secrètes d'armes aux Iraniens qui ont permis aux Américains de financer clandestinement les contras nicaraguayens, livraisons qui auraient transité tout aussi discrètement par Israël. Aussitôt, c'est-à-dire très peu de temps avant sa disparition, Maxwell a attaqué en justice le journaliste américain. Celui-ci a répliqué en déclarant publiquement qu'il connaissait beaucoup plus de choses qu'il n'en avait écrites. Et il a ajouté tout de suite après la mort de Maxwell, je le cite, « moins de 10% de ce qu'il faisait est connu ». Il est donc urgent de revenir à la diffusion de mon entretien avec M. X. Qui est ce Ben Menache, agent du Mossad ? C'est d'abord, écoutez bien, parce que c'est très important pour la suite, un spécialiste en informatique. Et c'est essentiellement... Pour un espion, ça... à cause de ça qu'il a été embauché dans les services israéliens. Deuxième point important, il est né à Téhéran et il parle très bien le persan. Et pourquoi est-ce si important, ça ? Parce qu'il est prouvé que Ben Menache a joué un rôle dans deux affaires touchant l'Iran. D'abord, en 1980, il a servi d'intermédiaire dans la négociation des otages de l'ambassade américaine de Téhéran, vous en souvenez. On sait maintenant ce qui s'est réellement passé. Les hommes du candidat républicain Reagan ont clandestinement passé un marché avec les Iraniens afin que la libération des otages n'ait lieu qu'après l'élection présidentielle. Ouais, pour faire battre Carter, bien sûr. Et en France, il s'est passé après la même chose avec nos otages au Liban avant la présidentielle de 88. Bon, passons. Ah, bon. Vous voulez vraiment passer ? Oui, passons. Donc... Ben Menache était du côté des gens de Reagan. Oui, ce qui veut dire que les Israéliens avaient franchement choisi leur camp. Mais vous m'avez parlé d'une deuxième affaire à laquelle il a été mêlé. Exact. Ben Menache a joué un rôle important dans les livraisons secrètes d'armes américaines aux Iraniens pendant la guerre irako-iranienne. Livraisons qui violaient l'embargo décidé par l'ONU. C'est ça. L'Iran Gate, vous vous souvenez ? Naturellement, oui. Mais il y avait une troisième affaire, et celle-là est encore plus considérable. Et Maxwell va y être directement impliqué, et il paiera le prix maximum. C'est à la mort, non ? Oui, la mort. Alors racontez. Et d'abord, par où on commence ? Par la fin, si vous le voulez bien. Ah. Je comprends pas. Si, enfin, je vais d'abord vous prouver que Maxwell a bel et bien été assassiné. Et ensuite, seulement, je vous dirai de quel secret il était porteur. Et alors, à partir de là, vous saurez que sa mort était programmée, inévitable. Si tel est votre désir... Bien. Fin octobre, le filet se resserre autour du Captain Bob. Non seulement on dit que son empire est au bord du gouffre et que ses dettes sont colossales, mais un livre paraît qui met violemment en cause Maxwell et son activité clandestine en faveur d'Israël. Maxwell comprend immédiatement le message et il prend la fuite. Et il fuit qui ? Il fuit les questions, c'est sûr, mais il fuit surtout pour préparer sa défense, au sens propre du terme. Il faut être plus clair. Hein. Maxwell a une ultime carte en main. Une carte formidable. Si on le laisse tomber, si on le laisse couler, il peut parler, révéler une partie des secrets qu'il détient. Ça ressemble un peu à du chantage, ça, non ? Appelez ça comme vous voudrez. Donc, je vous le disais, il fuit. Il prétexte une grippe, annonce qu'il va se reposer quelques jours, et à bord de son jet privé, il prend la direction de l'île portugaise de Madère, où son magnifique yacht, la Lady Ghislaine, l'attend. Mais attendez, là, ce yacht-là, est-ce qu'il était aussi luxueux qu'on l'a dit ? Encore plus. 13 hommes d'équipage, 15 ou 16 splendides cabines, un véritable palace flottant. Il était bourré d'équipements électroniques, de caméras de surveillance, etc., etc. Ah, très bien. Alors, arrivé à Madère, Maxwell prend tout de suite la mer avec son bateau. Oui, oui. Et notez-le bien, il est seul à bord avec les hommes d'équipage. Alors, justement, parlons de ces hommes d'équipage. Mais vous avez raison, c'est un point très important. Eh bien, le capitaine, mais aussi les autres membres de l'équipage, matelots, stewards et femmes de chambre, étaient pour la plupart des nouveaux sur la Lady Ghislaine. Ça aurait pu quand même, susciter quelques inquiétudes chez Maxwell. Non, je ne crois pas. Sur ce yacht, il était chez lui, vous comprenez, c'était sa forteresse, son île déserte, et il a eu tort, comme vous le savez. Non, alors reprenons quand même le cours des événements. Hein. Oui, donc il embarque et il donne ordre au capitaine de faire route vers les îles espagnoles voisines des Canaries. Jusque-là, tout va bien. Trois jours plus tard, la Lady Ghislaine croise au large de Santa Cruz de Tenerife. C'est bientôt l'heure de dîner, Maxwell veut manger une langouste. Tiens. Un canot se détache de la Lady Ghislaine pour accoster dans le petit port. Mais pas un pêcheur ne dispose de langouste. Alors Captain Bob décide d'aller dîner à terre. Il revient à bord 2 heures plus tard et semble-t-il, d'après ceux qui l'ont vu, il semblait d'excellente humeur. J'ai l'impression que vous insistez un peu sur ce point-là. Ben, évidemment, ça démolit la thèse du suicide. On y reviendra. Une fois à bord, Maxwell annonce qu'il va travailler un peu dans son bureau avant d'aller se coucher. Là, il donne quelques coups de fil et il va se balader sur le pont supérieur, tout nu. Mais oui. Bon, enfin, c'était son habitude, paraît-il. Après tout, il était chez lui. Oui. Enfin, cette déambulation tout nu dure longtemps ? On ne sait pas. À 2 heures du matin, il téléphone à la passerelle et demande qu'on baisse la climatisation. Donc à ce moment-là, il n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur du yacht. Ouais, c'est on ça, peut le penser, oui. Ouais. Enfin, un peu plus tard, vers 4h30, l'homme de quart l'aperçoit sur le pont. Il est ressorti. Oui, c'est en tout cas ce qu'il affirmera plus tard. Et si c'est vrai, c'est donc le dernier à l'avoir vu vivant. Je pense que vous semblez avoir des doutes sur cette déclaration. Oui, parce que la police espagnole a fait son enquête en dépit du bon sens et qu'il est difficile de se fier aux témoignages qu'elle a recueillis. Quand elle s'est donné la peine de les recueillir, et puis il y a autre chose d'excessivement louche. Je vous ai parlé tout à l'heure de caméras de surveillance. Ah, tout à fait, oui. Ces caméras vidéo surveillaient les ponts. Or, étrangement, cette nuit-là, le système avait été débranché. Exactement comme si on avait voulu que le ou les assassins puissent agir sans être repérés. Chanter. Nous allons bien sûr revenir longuement sur les circonstances de la mort de Captain Bob. Mais à ce niveau du récit, je voudrais vous proposer deux extraits du livre que l'épouse de Maxwell, Elizabeth, a publié en 1994 aux éditions Fixo sous le titre « Tout soleil est amer ». Le récit d'Elizabeth Maxwell conforte le récit de M. X sur deux points au moins. Les négligences de l'enquête de la police espagnole d'abord, elle écrit. De leur côté, la police, les juges et les médecins légistes espagnols semblaient désireux de se débarrasser du corps plutôt que de se trouver embringués dans une enquête internationale aux implications fâcheuses. La police locale s'était montrée peu dynamique. Aucune empreinte n'a, à ma connaissance, été prélevée sur le bateau, que ce soit le jour même de la mort ou les jours suivants. Deuxièmement, Elizabeth Maxwell parle de l'équipage, et je la cite à nouveau. C'était la première fois que je rencontrais le capitaine Rankin. Il était grand, légèrement bedonnant. Sa tenue ne reflétait pas l'élégance exigée par un yacht de luxe tel que la Lady Ghislaine et à laquelle m'avaient habitué ses prédécesseurs. Il en allait de même de l'équipage auquel je trouvais une allure un peu négligée. Et un peu plus loin, elle ajoute, « Quoi qu'il en soit, cette impression pénible d'un équipage à la dérive ne devait plus me quitter pendant les quelques journées que je passais à bord. » Un dernier mot à propos de ce témoignage essentiel. Elizabeth Maxwell affirme avec force que l'idée du suicide était complètement étrangère au caractère de son mari. D'ailleurs, ils en avaient déjà discuté ensemble pour Bob. Non seulement le suicide était une lâcheté, mais il était contraire au principe de sa religion. Mais reprenons le fil de mon entretien avec M. X. Que s'est-il donc passé sur la Lady Ghislaine au cours de cette nuit du 4 au 5 novembre 1991 ? À mon avis, il y avait au moins un tueur à bord. Pourquoi au moins un ? Parce que Captain Bob n'était quand même pas un gringalet. Ça, c'est vrai. C'est combien, 120, 130 kilos. Donc, il fallait être vraiment sacrément costaud pour s'emparer de Maxwell, pour l'immobiliser ou l'empêcher de crier, puis balancer à l'eau par-dessus le bastingage. Oui, mais alors, ces assassins auraient été des membres de l'équipage. Évidemment. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La plupart des matelots étaient des nouveaux à bord de la Lady Ghislaine. Il était facile de glisser parmi eux des tueurs professionnels. Oui, mais attention, on a quand même évoqué l'hypothèse d'un accident cardiaque. Impossible. Impossible. Ah. Si Captain Bob avait eu une attaque, on l'aurait retrouvé sur le pont, mais pas dans la mer. Oui, mais c'est pourtant ce qu'a prétendu le médecin légiste espagnol, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est exact. Mais parlons-en de ce toubib. Nulle part dans son rapport d'autopsie n'est question de l'analyse des poumons. Or, en cas de noyade, c'est le premier indice qu'on recherche. Oui, à cause des micro-organismes qu'on trouve dans les poumons. Oui. Si le type est mort avant de tomber dans l'eau, il n'ingère pas d'eau, donc on ne trouve pas d'algues microscopiques dans ses poumons. Bon, enfin, là, rien, pas d'analyse. Ouais, on ne va quand même pas prétendre que ce médecin était complice. Bon, j'irai pas jusque-là, non, mais je prétends que ce toubib n'a pas fait son travail sérieusement. Et puis entre nous, ça m'étonnerait qu'aux Canaries, on soit au top de la médecine. Wow. Je crois aussi me rappeler qu'il y a eu une deuxième autopsie. Oui, on a fait une autopsie pratiquée en Israël. Sérieuse, celle-là. Mais incomplète parce que les viscères étaient restés en Espagne. Une autopsie, en tout cas, qui a mis en évidence une série d'hématomes et même une fracture du nez. Et pourtant, il n'empêche que la thèse officielle, hein, encore aujourd'hui, c'est toujours l'accident ou la mort naturelle. Je sais, mais il faut avouer que ça arrange quand même beaucoup de monde. Ah, qui alors ? Les commanditaires de l'assassinat, bien sûr. Mais aussi les assureurs, qui ont pesé de tout leur poids pour appuyer la thèse de la crise cardiaque. Car Robert Maxwell était très, très bien assuré. Et en cas d'assassinat ou d'accident, ils auraient dû verser plus de 200 millions de francs à la famille. Ah oui. Tenez, il y a un dernier détail aussi très curieux. Les médecins israéliens ont mis en évidence la trace dans le sang de Maxwell d'un médicament pour le cœur. Ça accrédite la thèse de l'accident cardiaque. Au contraire. Le médecin de Maxwell a été formel. L'état cardiaque de Maxwell était parfait. Et jamais il ne lui a été administré de médicament pour le cœur. Ça veut donc dire qu'on lui a fait ingérer ce médicament à son insu. Sans doute lors de son dernier repas à terre. Êtes-vous convaincu maintenant ? Un peu plus, oui, mais quand même, il vous reste à répondre à la question du pourquoi. J'y viens, en effet. Et c'est une histoire assez extraordinaire. Pour comprendre, il faut remonter un tout petit peu dans le temps, au début des années 80, aux États-Unis. un petit génie de l'informatique qui avait des rapports étroits avec la CIA, a mis au point un étonnant logiciel qui permet de connecter entre eux des fichiers ou des banques de données qui n'ont rien à voir entre eux. Mais quel intérêt ? C'est formidable, je ne vais pas entrer dans les détails techniques car j'avoue que mes connaissances en informatique sont assez rudimentaires. Ah bon, pour une fois que vous êtes... Mais en fait, je vais quand même essayer de vous expliquer. Imaginez que vous reliez entre eux le fichier des consommateurs d'eau et celui des consommateurs d'électricité. Vous y ajoutez le fichier des abonnés au téléphone, celui de la sécurité sociale, et puis quelques fichiers bancaires, et vous obtenez un fantastique outil d'investigation. Qui fonctionne comment ? Eh bien, prenez un individu que vous voulez surveiller. Bon, grâce à ce logiciel, vous savez instantanément où il se trouve. Sa consommation d'eau et d'électricité indique s'il est présent ou absent. S'il est seul ou si, au contraire, il a des invités, vous comprenez ? À peu près, oui, mais c'est une atteinte grave à la vie privée, ça. Et c'est pour ça qu'en France, une commission, la CNIL, interdit toute interconnexion de fichiers de ce type. Mais il y a des pays, surtout des services secrets, qui n'ont pas hésité à utiliser ce petit logiciel miracle, clandestinement ou pas. Oui, d'accord, mais le rapport avec Maxwell... Oui, il y a un petit peu de patience. Revenons donc à ce logiciel. Un autre petit génie de l'informatique a été épaté par le fonctionnement de ce logiciel. Lui aussi travaillait pour un service de renseignement. Aux États-Unis, donc ? Non, en Israël. Ah, ce Ben Menach, là, dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Lui-même, oui, oui. Et ce qui a surtout passionné ce petit génie, c'est que le logiciel pouvait intéresser beaucoup d'autres services un peu partout dans le monde. Alors ça lui a donné une idée diabolique. Et si on piégeait le logiciel ? Attendez, le piéger, c'est-à-dire ? Permettre que ce petit bijou continue à obéir à son créateur, à l'insu de son propriétaire, bien sûr. Je crois là qu'il faut être quand même un peu plus clair. Bon, si vous voulez. Dans ce logiciel, vous glissez discrètement une puce, ou je ne sais quoi d'invisible, qui permet d'interroger à distance les fichiers qu'il gère. Une puce indétectable. Et ainsi, quand vous le désirez, vous videz la mémoire d'un ordinateur sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Est-ce que j'étais assez clair ? Je crois, oui. Enfin, il s'agit au fond de piratage à distance, hein. Mais attendez, je vois toujours pas de rapport avec Maxwell. Bon, il est peut-être temps de vous expliquer. Je vous ai dit que cet exceptionnel logiciel pouvait intéresser beaucoup de monde. Beaucoup de services secrets. D'accord ? Oui. Bon, mais dans une affaire comme celle-là, comme dans toute autre affaire commerciale, il faut des VRP pour vendre le produit. Et Maxwell, attends, je commence à comprendre. Maxwell a été l'un de ses représentants de commerce. Et voilà. Et pourquoi a-t-il été choisi, lui ? Devinez. Grâce à Ben Menach. Et surtout à cause des relations privilégiées qu'il entretenait avec les pays de l'Est et leurs dirigeants. Il aurait donc vendu ce logiciel piégé à l'URSS. Oui, et aussi à d'autres pays. Mais est-ce que Maxwell a vendu ce logiciel en sachant qu'il était piégé ? Je crois que vous soulevez là une question essentielle. À votre avis ? Bien, d'après tout ce que j'ai pu apprendre, Maxwell, dans un premier temps, n'a pas été mis au courant. Mais il a fini par savoir. Et si vous voulez connaître mon sentiment, je suis intimement persuadé que ce sont ses amis soviétiques eux-mêmes qui l'ont averti. Quand ils ont découvert le piège, bien sûr. Des amis qui ont dû être furieux. Certainement, oui. Mais Maxwell a dû protester de sa bonne foi. Et il a été assez convaincant pour que Moscou continue à lui faire confiance. Mais l'important n'est pas là. Maxwell, à partir de ce moment, était le détenteur d'un secret considérable. Il savait, lui, que les Américains et les Israéliens, grâce à ce logiciel, pénétraient un peu partout les mémoires informatiques des services de renseignement, hostiles et même alliés. Un secret mortel. Mais un secret mortel, mais pourquoi ? Mais parce que je vous l'ai dit, en 1991, Maxwell était aux abois. Et il a menacé de révéler le secret du logiciel piégé. Et si on ne l'aidait pas, bien sûr. Ah, oui. À partir de cet instant, il était condamné. Il fallait le faire taire à jamais. J'ai trouvé un premier élément de confirmation de la thèse de M. X ici même, à France Inter. En effet, Eric Jung a consacré cet été une de ses émissions de la série Affaires classées à ce dossier Maxwell. Il a en particulier interrogé un grand reporter de Paris Match, Jacques-Marie Bourget. Ce journaliste, enquêtant sur la mort de Captain Bob, s'est rendu peu après la mort du magnat à Tenerife. Et là, le hasard l'a conduit à surprendre une conversation téléphonique donnée depuis une cabine. L'homme, un Américain, taillé comme un GI, je cite Bourget, a dit en substance « Tout va bien, ça s'est passé comme prévu, les Espagnols n'y comprennent rien ». Phrase apparemment anodine, sauf que cet homme appartenait à l'équipage du Lady Ghislaine. Bourget l'a repéré peu après sur le pont du yacht. Sauf aussi que le numéro de téléphone qu'il appelait était un numéro réservé, c'est-à-dire appartenant à un service officiel dans l'État d'Arkansas. Troublant en effet. Deuxième élément de confirmation. Il se trouve dans le livre assez étonnant de Fabrizio Calvi et Thierry Pfister, L'œil de Washington, récemment paru chez Albin Michel. Les deux journalistes qui ont mené une enquête serrée sur la propagation dans le monde d'un logiciel piégé par les Américains et les Israéliens rejoignent à peu près la thèse de M. X quant à l'implication de Robert Maxwell dans cette affaire. Et ils donnent un détail très curieux qui prouve la réalité de cette extraordinaire opération d'espionnage informatique. En 1989, les ordinateurs du GRU, le service de renseignement de l'armée soviétique, se sont arrêtés brusquement pendant une semaine. Les Russes venaient de comprendre qu'ils étaient espionnés au cœur même de leur système le plus secret. Et pendant une semaine, donc, ils ont nettoyé la mémoire de leurs ordinateurs. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur l'existence fabuleuse de Captain Bob, vous pouvez lire « L'incroyable Monsieur Maxwell » de Joe Haines, publié aux éditions Odile Jacob, une biographie du milliardaire qu'il faut quand même lire avec précaution, car Captain Bob en a autorisé la rédaction. À samedi prochain pour un nouvel entretien avec Monsieur X.